Chapitre 17. La poursuite dans Paris. Jim, arrivant à l'hôtel d'Oxford et Cambridge, s'était enfin souvenu qu'il n'avait pas mangé depuis 24 heures et qu'il avait passé la nuit tout habillé, en partie dans la chambre noire du café de banlieue et en partie dans la prison de Guildford. Après une capture, une évasion, un emprisonnement et un vol en avion, il sentait qu'il avait besoin de repos. Il prit un bain chaud, dévora un goûter copieux, se jeta dans le lit et s'endormit à poings fermés. Il ne fut réveillé que le lendemain matin par une poigne vigoureuse. « Zerga !» s'écria Jim en s'éveillant en sursaut. « En attendant, ce n'est que Blake. À mon tour de te réveiller, vieux. Mais tu peux rester dans ton lit, il n'y a pas urgence. D'ailleurs, je te préviens que pour le moment, je suis incapable de battre un record. » Et Fred raconta à Jim les événements de la veille. « La comtesse, dit-il, est partie en voiture avec la Hollandaise. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai donné un fort pourboire au liftier pour qu'il me renseigne sur nos amis. J'ai su par lui ce matin que Maya a passé tranquillement la nuit à l'hôtel avec Jane, mais que Zerga est partie hier soir et n'est rentrée que ce matin à 10 heures avec la comtesse. » Ils ont demandé qu'on leur monte le déjeuner chez eux, à midi, et le liftier les a entendus dire qu'à 3 heures, ils seraient chez Molineux. « Il est probable, dit Jim, que la comtesse n'est autre que la fausse Miss Sarah Smith, alias Monsieur Jacob. Quant à la bonne, Jane, il est clair que c'est la même. Peu importe. Pour nous, l'essentiel est de se trouver aujourd'hui à 3 heures de l'après-midi, chez Molineux, et d'emmener Maya. Bien. Avertissons la police. Quelle police ? Française ? Mais nous n'avons aucune légitimation. Anglaise ? Nous n'avons plus le temps. Et puis tu sais, je viens de voir la police à l'œuvre. Une fois me suffit. On alerterait Zerga, qui trouverait de nouveau le moyen de filer en emmenant Maya. Non, c'est à moi qu'elle a demandé protection. C'est moi qui la protégerai jusqu'au bout. Et si, après tout, elle n'était qu'une aventurière ? Nous le verrons bien. L'essentiel est de se trouver chez Molineux. Nous n'aurons peut-être plus l'occasion de la revoir dans un endroit public. Si l'émule hollandaise casque, la bande filera à Constantinople ou à Casablanca. Mais sous quel prétexte nous présenter dans cette maison de couture? As-tu des amis à Paris? Jim réfléchit quelques instants. Trouvez, cria-t-il en bondissant de son lit, ma traductrice, Jeannette Perry, une pure parisienne, mon cher. Vous êtes amie? Je ne l'ai jamais vue, mais celle qui a transposé en français Le mystère de Farnborough et Le rapide Paris-Nice ne peut être qu'une femme de goût. Elle a sûrement des attaches dans le grand monde et elle nous facilitera la visite chez Molineux. Attends-moi ici, Blake. Mademoiselle Jeannette Perry? Demandait Jim une demi-heure plus tard à la concierge d'une maison d'aspect distingué. « Vous voulez dire Madame Renner ? Au 5e, couloir à droite, porte à gauche. » À partir du 4e étage, la maison commença à lui paraître moins bien. Finalement, Jim, essoufflé, frappa à la dernière porte d'un couloir mansardé. Une jeune personne, vêtue d'un tablier à carreaux blancs et bleus, un couteau de cuisine dans une main, un oignon à moitié épluché dans l'autre, vint lui ouvrir. « Madame Renner, c'est moi. Mademoiselle Jeannette Perry, c'est moi aussi. Et moi, je n'ai qu'un seul nom, Jim Joy. » Le couteau et l'oignon roulèrent par terre, et Jeannette Perry tendit les deux mains. « Jim Joy, mon cher auteur, personne ne se vend comme vous. On vient justement de tirer la 5e édition du Sang sur les dalles. Entrez, vous êtes le bienvenu. » À cet instant, un grésillement violent et une odeur de brûlé parvinrent dans la petite antichambre. « Oh !» s'écria Jeannette, « l'oignon est en train de brûler. Ça ne vous fait rien d'entrer dans la cuisine ?» Jim la suivit dans une petite cuisine blanche. Devant la fenêtre, au store à carreaux blancs et bleus, s'épanouissaient des pots de géranium rose. Sur le mur s'étalait une batterie étincelante de casseroles de cuivre. « Je ne crois pas qu'elle s'habille chez Molineux, se dit Jim, mais je pense que je peux avoir confiance en elle. Entre-temps, Janet avait réparé le désastre, et la bonne odeur d'oignons frits se répandait dans la cuisine. « Excusez-moi, dit-elle, mais j'ai promis à mon mari de faire aujourd'hui un risotto à l'oignon. Il adore ça. »« Moi aussi, dit Jim. Quand j'étais gosse, je chipais de l'oignon frit dans la cuisine. » Janet lui lança un coup d'œil complice. « En voulez-vous une tartine ?» Un quart d'heure plus tard, Jim et Janet sentaient tous les deux l'oignon et étaient les meilleurs amis du monde. « Vous voyez, dit Jim, en finissant de la mettre au courant, qu'il nous reste peu de temps. Il va être midi et à 3 heures, Zerga sera chez Moulineux avec May 2. »« Quand vous en ferez un roman, dit Janet, vous promettez que je le traduirai ?»« Jamais je n'aurai d'autre traductrice. » Le tablier aux carreaux blancs et bleus vola dans un coin et, 3 minutes plus tard, Janet Perry reparut en parisienne, coiffée d'un feutre noir et habillée d'un manteau de drap noir, garni d'un loup qui voulait être un renard. « Un instant, dit Janet, je dois laisser un mot à mon mari. » Elle saisit un bout de papier et crayonna à la hâte. « Chérie, option d'un nouveau roman épatant à l'horizon, affaire magnifique, doit partir d'urgence. T'en fais pas, reviendrai un jour ou l'autre. La littérature m'appelle. » Janet. P.S. Le risotto à l'oignon est dans le garde-manger. P.P.S. Bise. À propos, dit Jim, dans la voiture qui les emmenait à l'adresse donnée par Janet, qu'est-ce qu'il est, votre mari? Traducteur, auteur, éditeur, policier, détective, ou tout au moins criminel? Mon mari, avoua Janet, triste et grave, ne s'occupe pas de romans d'aventure. Dans ce cas, dit Jim, il n'existe pas. Parlons de choses sérieuses. Où me menez-vous? L'auto stoppa dans une petite rue aux abords de la place de l'Étoile, devant un restaurant, à l'enseigne, au rendez-vous des chauffeurs. Janet entraîna Jim dans la petite salle obscure, remplie de monde, et après avoir jeté un coup d'œil circulaire, s'approcha vivement d'un chauffeur attablé devant son beefsteak. « Mon cher prince, dit-elle, il y a une éternité qu'on ne s'est vu. Je vous présente mon ami, Monsieur Jim Joy, le prince d'Olgonogi. Dites-moi, comment va votre chère femme, la princesse Mania d'Olgonogi ?»« La princesse Mania d'Olgonogi, expliqua-t-elle à Jim, est mannequin chez Moulineux. » Un quart d'heure plus tard, le prince faisait monter Jim et Janet dans la chambre d'un petit hôtel rue de l'Étoile. « Je sais, dit-il, qu'aujourd'hui Mania et Tania déjeunent à la maison. Elles ont des amis. » Tania Rabinovitch, vendeuse chez Moulineux, est l'amie intime de la princesse et habite avec elle, commenta Janet. Ils furent accueillis par des exclamations de joie. Une douzaine de personnes étaient étendues parmi les coussins, sur le tapis et le divan. La vodka et les liqueurs trônaient sur la cheminée. Un plateau chargé de zakouski, caviar, poisson fumé, salade russe, petit pâté au chou, concombre salé, reposait par terre. Dans le coin, sous l'icône, s'amoncelait une pile de linge de crêpes de Chine. Un bel homme brun, au type caucasien, s'accompagnant sur sa guitare, chantait une romance tzigane. Mais c'était un déjeuner d'affaires. On discutait de la vente du linge de luxe fabriqué par la grande duchesse Barbara. Janet attira Mania et Tania sur un coin du divan. Après un conciliabule bref mais soutenu, la princesse déclara « Ce sera facile. Heureusement, Tania est toujours vendeuse de Madame Van Passen. Je m'arrangerai avec mes collègues pour porter moi-même les modèles destinés à cette jeune fille. Basile attendra en bas. » Avec la voiture. Nous pouvons compter sur vous, prince ? Demanda Janet. N'oubliez pas de lui spécifier que la récompense sera princière, souffla Jim. Où en serais-je sans votre vivacité d'esprit toute latine ? On voit bien que vous êtes né sur les bords de la Seine. Entre nous, dit Janet, je suis né sur les bords de la mer Noire. Mais cela ne change rien à notre affaire. « Vassili Nikanorovitch, ne buvez pas trop de vodka. Vous aurez une course difficile à faire. un bandit oriental nous suivra peut-être. » « Je me fais fort de le dépister, » déclara dédaigneusement le prince Dolgonogi. « Ces métèques ne connaissent pas Paris. » À 3 heures moins le quart, Jim, Jeannette et Fred, qu'on avait mandés par téléphone rue Royale, se trouvaient dans l'escalier de service de la maison Molineux, sur le palier du 2e étage. Au milieu du va-et-vient des fournisseurs, personne ne faisait attention aux 3 visiteurs. Ouvrant la porte qui faisait communiquer les salons avec l'escalier de service, Magna Dolgonogi fit une brève apparition. « Ils ne sont pas encore là, » souffla-t-elle. « Dès qu'ils auront choisi un modèle pour Maya, Tania l'emmènera en même temps que Madame Van Passen. Dans le salon d'essayage, je lui glisserai quelques mots. Je dirai qu'elle m'a prié de la conduire au lavabo, et je l'amènerai ici. » « N'oubliez pas, » recommanda Jim, « de lui murmurer à l'oreille, « Mais, venez avec moi, Jim vous attend pour vous emmener. » « Entendu. » Tania se sauva et les conspirateurs, le cœur battant, attendirent. À 3h10, apparut Tania Rabinovitch, suivie d'un petit chasseur. « Ils sont là, » chuchota-t-elle. « Je vous ai amené Pierrot. Il pourra vous être utile. Il dit qu'il a reconnu votre Zerga. » Et elle partit comme une flèche. Pierrot, rouge de confusion, tournait avec embarras sa casquette entre ses doigts. Jim tira un billet de 10 francs. « Je savais bien, murmura-t-il, qu'il y aurait un petit chasseur. » Jeannette l'encouragea. « Allons, allons petit, parle. Tu dis que tu as reconnu le monsieur ? Oui, madame, le grand noir avec la barbe. Tiens, songea Jim. Il a donc une barbe de rechange. Celui qui a des yeux, oh des yeux, c'est à cause de ses yeux que je l'ai reconnu. Il vous a un coup d'œil. Mais qui est-il ? Pierrot se pencha et murmura mystérieusement. Et quand l'as-tu vu ? Au casino de Bécon-les-Bruyères. Je suis béconné, moi. Il y a ça 6 ans, j'étais encore un moutard, mais jamais j'oublierai le fakir. Maman est allée un samedi soir au casino avec Mme Pignou, la voisine, et elles m'ont emmené pour pas que je sois seule à la baraque. Le clou, c'était le fakir. Il appelait des gens sur la scène et leur faisait faire tout ce qu'ils voulaient. Il les regardait avec ses yeux terribles et ils étaient comme somnambules. Je le regardais, vous pouvez pas me détourner. Comme nous étions au 2e rang, grâce à Mme Pignou, qui est la sœur de l'ouvreuse, il a fini par me remarquer et il m'a dit « Monte, petit ». Je suis montée comme si quelqu'un me poussait dans le dos. Il m'a regardée. Après, je sais plus ce qui s'est passé. Je me suis réveillée dans mon lit, j'avais mal à la tête. Le docteur est venu et il a grondé maman parce qu'elle m'avait emmenée voir le fakir, vu que je suis trop émotif, termina-t-il fièrement. Et tu n'as plus revu le fakir ? Non, madame, mais je suis sûre que c'est lui. Quand il est sorti de l'ascenseur, ça m'a donné un coup. Mademoiselle Tania l'a bien vu. Il n'est plus venu à Bécon, mais 1 an après, un camarade a vu son nom sur les affiches de l'Empire, ici à Paris. Dûment récompensé, Pierrot repartit. « Ce n'est pas grand-chose, » soupira Jim. « Ce n'est qu'un de ces masques qui ne servira pas à l'identifier. Mais dans quel coin perdu d'Égypte, de Syrie ou des Indes, connaît-on son vrai nom ?»« On ne sait jamais, » dit Fred. « Ce détail peut nous être utile. » Ils attendirent encore 1/2 heure. Enfin, la porte conduisant au salon s'ouvrit encore une fois, et Magna, haletante, jeta littéralement Maya dans les bras de Jim et disparut avec la rapidité d'un éclair. Maya regardait Jim avec de grands yeux étonnés. « Mais !» souffla Jim. Instantanément, elle s'éveilla. « Mais, avez-vous confiance en moi ?»« Oui. » murmura-t-elle très bas, mais distinctement. « Venez, je vous emmène. Ne craignez rien, nous vous sauverons. » Ils descendirent en courant les escaliers de service, traversèrent la cour et montèrent à la hâte dans la voiture conduite par le prince, qui démarra instantanément. L'auto traversait la place de la Concorde quand Jeannette, qui avait collé son visage sur la glace du fond, poussa une exclamation. « Une voiture nous suit. Il y a au volant un homme à barbe noire. Près de lui, une dame âgée avec un col de vison. Pas de doute, c'est Zerga et la comtesse, dit Jim avec désespoir. Il a dû nous voir partir par la fenêtre. Il aura pris la voiture de la Hollandaise. Jeannette jeta quelques mots en russe au prince. Il accéléra, mais Zerga pilotait la Rolls avec une sûreté inouïe. Le prince, profitant de son avance, tâchait de le semer à la faveur d'un embouteillage. Après avoir longé le quai des Tuileries, il tourna devant le square du Louvre, passa devant la statue Jeanne d'Arc et, par la rue des Pyramides, déboucha dans l'avenue de l'Opéra. « Il est essentiel, dit Jeannette, que Maya ne se trouve pas face à face avec lui. Habituée à se laisser hypnotiser par lui, elle retomberait immédiatement dans l'inertie complète et nous quitterait elle-même sur ses ordres. Elle ne doit pas affronter son regard. » Le prince tantôt montait, tantôt redescendait l'avenue, s'engageant dans les rues étroites, à gauche, à droite, tâchant par des détours imprévus de dérouter la Rolls. En vain. Zerga suivait de près, et la distance entre les deux voitures, parfois, n'existait presque plus. Après avoir suivi le boulevard des Italiens, le prince s'engagea boulevard Haussmann. Tout à coup, risquant l'amende, il accéléra au-delà du possible et passa comme une flèche. Ses passagers comprirent la raison de cette manœuvre en voyant par la vitre du fond l'agent qui levait la main. La Rolls, avec toute une file de voitures, se trouvait immobilisée pour une minute au moins. Avec la plus grande vitesse possible, à cette heure et à cet endroit, le prince suivit le boulevard Haussmann. Devant les galeries Lafayette, un nouvel embouteillage les fit stopper. Mais derrière eux, il n'y avait plus de Rolls grise. Ils se croyaient déjà sauvés. Soudain, Jim poussa une exclamation inarticulée. La Rolls était en face d'eux. « Tchort !» jura le prince. « Il se débrouille bien. » Zerga, dès le signal d'arrêt, quittant le boulevard Haussmann, s'était engagé dans la rue Lafitte, avait gagné la rue Lafayette et l'avait suivi en même temps que les ravisseurs continuaient leur course le long du boulevard. Les deux voies aboutissaient au carrefour de la chaussée d'Antin et les voitures y étaient arrivées en même temps. Toutes deux, la Rolls et la Citroën, filaient maintenant côte à côte. Il était plus de 4 heures et un torrent d'auto déferlait de toutes parts. Devant le printemps, on stoppa de nouveau. « Nous descendons, continuez à filer pour qu'il nous croie toujours dans la voiture, » jeta Jeannette au prince. Rapidement, ils débarquèrent par la porte de droite sur les pavés, se glissèrent péniblement parmi les véhicules et s'élancèrent dans le grand magasin. « Il nous a vus, il est à nos trousses !» souffla Fred haletant. « Mais ne vous retournez pas, pour l'amour de Dieu, ne vous retournez pas !» répétait désespérément Jim. Jouant des coudes, se frayant brutalement un passage parmi la foule dense des acheteurs, ils atteignirent l'escalier principal et parvinrent au premier étage. Suivant Jeannette, ils se faufilèrent parmi les rayons et se précipitèrent sur un escalier roulant. Derrière eux, on escaladait les marches. Encore 2 secondes et Zerga serait au niveau de Maya. D'un vigoureux coup de coude, Fred le fit rouler sur l'escalier. Il s'abattit sur un voisin et tous deux dégringolèrent avec fracas l'escalier roulant. D'autres passagers se trouvèrent entraînés dans la chute. Des cris de femmes retentirent. Une foule s'amassa au bas de l'escalier. Les vendeurs s'élancèrent vers le lieu de l'accident. Pendant ce temps, les jeunes gens arrivés au 3e étage sautèrent prestement à terre et tournèrent au hasard, à droite, dans le rayon des blouses et pyjamas pour dames. « Ils nous retrouveront dans quelques instants, » fit Jim en s'épongeant le front. « Que faire ?» Jeannette saisit à l'étalage 2 blouses de crêpe de Chine et, étreignant de la main gauche le bras de Maya, agrippa fermement de la droite une vendeuse qui passait. « Mademoiselle, faites-nous essayer ces blouses. Nous sommes pressés. Faites vite. Nous vous en remercierons. Si nous réussissons à filer, lança-t-elle à Jim, nous prendrons le métro à la sortie. » À peine la porte d'un salon d'essayage était-elle refermée sur les 3 femmes que Zerga parut. Ses vêtements étaient dans un triste état, et il maintenait d'une main sa barbe noire qui semblait vouloir se décoller. « Désirez-vous que je vous la retaille, maître ?» dit poliment Jim. « En effet, mon jeune ami, » répliqua Serga, « vous êtes un barbier émérite. Je ne vous ai pas encore félicité pour votre évasion de l'autre jour. Vous avez réussi là un coup magistral. » « À votre barbe, ou plutôt à votre barbé ?» compléta Jim. Le maître ne daigna pas répondre. Ses yeux perçants faisaient le tour du rayon. La porte du petit salon s'ouvrit. Jim et Fred retinrent leur souffle. La vendeuse en sortit, s'approcha de l'étalage, y farfouilla longuement et repartit, chargée d'une demi-douzaine de blouses. Les salons d'essayage étaient dissimulés derrière une très longue vitrine et une rangée de mannequins. À l'autre extrémité de cette rangée, juste devant l'escalier, il y avait une deuxième sortie. C'était sûrement celle-là qu'utiliserait Jeannette. « Ces messieurs désirent ?» demanda une vendeuse. « Une blouse pour la comtesse, n'est-ce pas, cher maître ?» dit Fred. Et, saisissant Serga par les épaules, le fit asseoir de force sur une chaise, tournant le dos à la deuxième sortie. « Pour une dame âgée, monsieur ? J'ai là un petit modèle en satin noir, très solide, très chic et très avantageux. Si vous préférez du noir et blanc... » Les deux jeunes gens jetèrent de côté un regard furtif, juste à temps pour voir Jeannette et Maya se glisser par la sortie opposée. Ils firent brusquement volte-face et descendirent quatre à quatre les escaliers. En trois sauts, ils atteignirent l'entrée de la station Havre-Caumartin. La gueule noire du métro les avala. Ils s'élancèrent dans le couloir, dégringolèrent les marches et échouèrent sur le quai de la ligne Chaussée d'Antin, porte de Saint-Cloud. Le sifflet retentit. L'œil blanc du métro troua le tunnel. Les quatre fuyards se jetèrent dans le premier wagon. Le portillon se fermait déjà quand Serga parut. Il fixa son œil noir sur l'employé, qui, subjugué par ce regard, le laissa passer. « Il n'y a que deux wagons entre nous et lui !» constata Jim avec terreur. Mais ils passèrent les stations Saint-Augustin, Miroménil et Saint-Philippe-du-Roule sans que Serga entrât. « Il connaît sûrement le métro aussi bien que les rues de Paris, » murmura Jeannette. « Cependant, il faut descendre à la prochaine. » Au rond-point des Champs-Élysées, ils sautèrent sur le quai. Serga, qui les guettait, fut près d'eux en trois enjambées et leur barra la route. « Maya » commença-t-il. Mais de sa bouche s'échappa un hurlement de douleur. Fred avait saisi ses poignets et les tordait dans une étreinte de fer. Jim, suivi de Jeannette, entraîna de force Maya, terrorisée. Bientôt, Fred les rejoignit. « Encore une rencontre, » dit-il furieusement, « et je vous préviens que je lui brise la mâchoire. » Mais Serga, n'essayant plus de s'approcher, il avait évidemment des raisons de ne pas rendre la scène publique, continua à les suivre à une certaine distance. Ils s'engagèrent au galop dans le passage du rond-point à Marbeuf. Les couloirs souterrains s'étendaient lugubrement à perte de vue. L'odeur du métro, tiède et nauséabonde, faisait monter un vomissement vers le gosier. « J'étouffe !» gémit Maya. « Encore quelques instants, ma pauvrette. Tenez bon, je suis là !» murmura Jim. La main autour de la taille de Maya, la portant presque, il contrebalançait par sa jeune vigueur l'hypnotisme fatal qui se rapprochait d'elle. Parvenus à Marbeuf, ils prirent la rame pour le Châtelet, où ils changèrent une fois de plus pour la cité. Nouveau signe de Jeannette, et le gigantesque décor de fer des escaliers et des ascenseurs engloutit les jeunes gens qui sentaient peser sur leur nuque le regard sinistre du poursuivant. Enfin, haletant, ils s'engouffrèrent sous la voûte couronnée par cette inscription rassurante. Entrée de la préfecture de police. Pivotant sur ses talons, Jeannette décocha au maître. « Suivez-nous, on sera content à la préfecture de police de revoir le fakir Rana. » Le mage blêmit et prit précipitamment la retraite. Fred fit le signe de le suivre. « Tu es fou, » glapit Jim, « laisse-le, mettons Maya en sûreté. » Debout dans la cour de la préfecture, ils s'arrêtèrent à proximité d'un groupe d'agents. Et, comme Janet faisait mine de s'approcher d'eux. « Jamais !» dit Jim farouche. « On m'enlèverait Maya. Pas de police. Restez ici si vous avez peur. Moi, je l'emmène. » Fred et Janet échangèrent un regard, haussèrent désespérément les épaules et suivirent le couple étrange. « Un endroit sûr !» répétait Jim, hanté. « Un coin caché où Zerga ne la trouve jamais. »« C'est bon, » dit Janet, « suivez-moi. » Ayant constaté avec soulagement qu'ils n'étaient plus suivis, ils traversèrent le quai et la rue et sautèrent dans le tramway 8 qui passait. Enfiévrés, à bout de force, ils s'affaissèrent sur les banquettes. Debout sur la plateforme, deux jeunes lycéens discutaient. L'un d'eux tenait à la main un volume de la collection du Vampire à la couverture hallucinante. L'autre, avec un sourire sceptique, haussait les épaules. « Entre nous, mon vieux, tes auteurs exagèrent. De notre temps, des poursuites effrénées en plein jour, en pleine capitale. Allons, allons, ça n'existe pas. »